médaille, ni un petit coin très agréable. M'enterrer mon ça, et que ça dit tout ça qui n'y là. Et racontez-moi, ni un grand homme qui arrêté là. Un jour il était grené, tant ça il dit pas qu'on chipine li. Oh, yo, yo. C'est la touche d'avant. À fond l'Orient, c'est tout l'été, mais son power nous. À fond l'Orient, c'est tout l'été, mais son power nous. Encore. À fond l'Orient, les hommes. À fond la Rion, c'est la touche la bon. À fond la Rion, nous t'es tout l'été, personne pas ouais nous. À fond la Rion, nous t'es tout l'été, personne pas ouais nous. À fond la Rion, mes amis, c'est la touche la bon. Ouais, yo, yo. D'après Missie, ça t'est que by grande dimension. Ta voix pas tenue, aïe pour lisse à riprocher. Mais t'es quoi qu'à j'irai et tirer mes prix, pas grand monde là. Show.